Chapitre 13. La clochette. Ophélie, c'est maman. J'ai bien reçu ta dernière lettre. Bravo, beaucoup de petits mots polis pour ne rien dire du tout. Tu n'as jamais su mentir convenablement. Je sais quand l'un de mes enfants me fait des cachotteries. Alors comme ça, tu veux tenir ta propre famille hors de ta vie. C'est mal nous connaître, ma fille. Nous arriverons par le Boréal du 4 juillet, à 2 heures de l'après-midi. Inutile d'annuler cette fois, nous resterons jusqu'au mariage. Comme je ne fais pas confiance à ton fiancé, je préfère utiliser cet animaphone. Prévois un logement pour 21 personnes. Ton frère et tes sœurs viennent avec nous. Ophélie, c'est maman. J'ai bien reçu ta dernière... Du doigt, Ophélie arrêta le cylindre qui tournait en boucle dans le phonographe miniature et rangea l'animaphone dans sa poche. Le mécanisme n'était muni d'aucun dispositif d'actionnement, ni manivelle, ni clé, ni cordon. Aussi, seul un animiste pouvait-il le mettre en marche. Ophélie était un peu lente avec son pouvoir. Il lui avait fallu de la persévérance pour entendre enfin le message de sa mère depuis que le petit colis lui avait été remis par le préposé postal. « Voilà, » dit-elle en s'adressant à la tante Roseline et à Bérénilde. « Quel est votre sentiment ?» Ophélie ne savait trop elle-même de la joie ou de la panique et quelle émotion faisait le plus battre son cœur. « J'en pense que le 4 juillet, c'est la semaine prochaine, » dit la tante Roseline d'un air contrarié. « Ils sont déjà tous à bord du Boréal. Cette fois, nous ne pourrons plus retarder leur venue. Et ta mère, gamine, ça va pas être un moule à tarte. » « Mon sentiment à moi, » dit Bérénilde avec un sourire onctueux, « c'est que cela tombe, on ne peut plus mal. » Elle eut une œillade éloquente pour la devanture sur laquelle un peintre en lettres était en train de tracer au pinceau expertise et authentification, ce qui aurait été du plus bel effet si des ectoplasmes n'avaient collé leur vilaine grimace de l'autre côté de la vitrine. Ces illusions avaient été jetées au cours de la nuit et aucune d'elles ne s'était encore dissipée. « Pardon, mesdames !» La tante Roseline et la Valkyrie durent s'écarter pour laisser le passage à deux ouvriers qui déplaçaient un bureau. « Non, pas un bureau, » songea Ophélie. « Mon bureau !» Elle avait obtenu de Thorne ce petit cabinet pour lancer son activité de liseuse. Il était encore à l'état de chantier et on cherchait déjà à le saboter. Bérénilde avait raison, ce n'était vraiment pas le meilleur moment pour accueillir sa famille. Cela faisait maintenant 3 semaines que Farouk s'était enfermé au dernier étage de la tour sans plus donner signe de vie. À en croire les gazettes, un tel événement ne s'était pas produit depuis des décennies. La liste des invités de la jetée promenade, que le grand chambellan dressait habituellement en fonction de l'emploi du temps de l'esprit de famille, avait été laissée en suspens pour une durée indéterminée. Les innombrables salons et jardins du palais avaient aussitôt été pris d'assaut par toute l'aristocratie de la Citatiel, y compris les nobles, qui n'y avaient jamais été conviés jusque-là. Il régnait sur place une ambiance crispée, où chacun se sentait roi et où les disputes protocolaires étaient devenues quotidiennes. Les mirages et la toile avaient toujours été des clans dotés d'un sens aigu de la famille. À présent, leurs membres se querellaient sans cesse pour des histoires de préséance. Thorne avait mis à profit ce climat désordonné pour aménager le cabinet d'Ophélie dans un ancien vestiaire de la jetée promenade. Suffisamment bien placé pour attirer un minimum de clientèle, suffisamment discret pour échapper à la vigilance de Farouk. Incommodée par les odeurs de peinture fraîche, Bérénilde appliqua un mouchoir brodé sur son visage. « Provoquez notre Seigneur avec cette ridicule histoire de poupée. À quoi pensiez-vous donc? Par votre faute, nous avons perdu pratiquement toute notre protection. » Depuis le scandale qu'avait déclenché Ophélie au théâtre optique, la toile lui avait retiré sa surveillance personnelle. Archibald avait eu beau essayer de plaider sa cause, sa famille s'était montrée inflexible. On ne leur attribuerait désormais plus qu'une seule Valkyrie, dont la mission serait de veiller uniquement sur Bérénilde et le bébé à naître. Ophélie s'abstint de faire remarquer qu'elle ne voyait pas grande différence en ce qui la concernait. Les Valkyries n'avaient empêché ni les humiliations ni les menaces, et ces vieillardes étaient glaçantes à les suivre comme leurs ombres, sans jamais prononcer un mot. S'il fallait attendre d'être tué sous leurs yeux pour obtenir gain de cause, Ophélie aimait autant se débrouiller seule. « Ne vous inquiétez pas, madame, » dit-elle à la place. « Monsieur Farouk tient énormément à vous. il ne cessera jamais de vous protéger. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Cela fait déjà un moment qu'il ne me touche plus. C'est à peine s'il me regardait ces derniers temps. À l'instant où je serai mère, je cesserai définitivement d'exister à ses yeux. Mon temps de grâce a toujours été compté, murmura Bérénilde avec amertume. Je le savais depuis le début. Je ne pensais simplement pas que ça se conclurait de cette manière. Ophélie eut un regard coupable pour ce ventre bombé qu'elle tenait sans cesse dans ses mains, comme si l'enfant qui l'abritait pouvait lui échapper à tout instant. « Ce qui est fait, se reprit Bérénilde en haussant le menton. « Pour votre famille, Thorn trouvera une solution. » Ah, le voilà, justement. De fait, la clochette de l'entrée venait de retentir, tandis que l'intendant inclinait son interminable silhouette dans l'encadrement de la porte. Avec son uniforme noir à épaulettes et ses cheveux peignés vers l'arrière, il était déjà plus présentable que la dernière fois qu'Ophélie l'avait vu, même si ses blessures avaient laissé ça et là des traînées sombres sur sa peau. Il eut un bref regard pour les illusions cauchemardesques qui éclaboussaient la vitrine. « Ne vous attendez pas à être enseveli sous les clients, » dit-il en guise de bonjour. La tante Roseline ouvrit la bouche, prête à prendre la parole, mais Bérénilde glissa son bras sous le sien et l'entraîna plus loin. « Venez, laissons mon neveu et votre nièce discuter à leur aise. » Ophélie les regarda zigzaguer entre les ouvriers du chantier. L'intention était charmante, mais elle ne se sentit plus à l'aise du tout. Côté façade, Thorn était l'impassibilité même avec son profil sévère dont le grand nez se hissait loin au-dessus des destinées humaines. Côté dos, cependant, son index ne cessait de marteler le poignet de l'autre main. Un peu gêné, Ophélie se demanda s'il se sentait aussi nerveux en sa compagnie qu'elle l'était en la sienne. À présent qu'ils avaient conclu un marché, tout aurait dû être clarifié entre eux, mais elle avait gardé de leur conversation à l'intendance un arrière-goût indéfinissable. Et plus la date du mariage se rapprochait, plus elle ressentait un trac absurde. « J'ai reçu un message de ma mère, » dit-elle sans préambule. « Elle sera ici la semaine prochaine, elle et 20 autres membres de ma famille. » Thorn se tint tellement silencieux qu'Ophélie crut un instant qu'il n'avait pas écouté. « 21 », grommela-t-il enfin. « 21 animistes qu'il faudra loger, nourrir et protéger pendant plus d'un mois. Ces gens n'ont donc pas d'obligation chez eux. » « Notre famille travaille dans la conservation du patrimoine. Les services ferment en été. Vous ne prenez jamais de vacances, vous ?» En voyant Thorn froncer sourcils et cicatrices, Ophélie eut l'impression d'avoir proféré une grossièreté. « Vos parents tenteront de vous rapatrier sur Anima, » déclara-t-il. « Ils ne m'aiment pas, et votre mère est impulsive. Si forte soit la tentation, ne leur fournissez aucune raison de vous faire quitter le pôle avant que nous soyons mariés. Si vous pouviez éviter d'aborder certains sujets devant votre famille, ce serait idéal. » Ophélie fronça les sourcils. « Et devant les doyennes d'Anima ?» demanda-t-elle avec raideur. « C'est par leur entremise que vous et votre tante avez organisé le mariage. Elles doivent déjà en connaître les véritables raisons. » « Non, » répondit Thorn à sa surprise. « Elles ne nous ont pas posé de questions. En fait, elles semblaient soulagées de savoir enfin quoi faire de vous. » Ophélie serra le petit animaphone dans la poche de sa robe. « Nous t'accordons une dernière chance, » avait dit la doyenne juste avant son départ. Quel que fût l'angle sous lequel elle considérait sa situation actuelle, ça ne ressemblait pas tellement à de la chance. « Je suis une mauvaise comédienne. J'ai moi-même du mal à trouver une bonne raison de rester. Alors, convaincre mes parents du contraire ?»« Vous êtes contractuellement liée à Farouk. Les retombées diplomatiques seraient très lourdes en cas de désistement, pour votre famille comme pour la mienne. »« Je sais déjà tout cela. » s'agaça Ophélie. Elle parlait mal du pays et Thorn répondait « affaire d'État ». Sans doute avait-il perçu son irritation car il daigna enfin descendre son grand nez vers elle. Préféreriez-vous m'entendre dire que je voudrais être votre raison de rester? J'en doute. Lettre. Bravo, pour de petits mots polis, pour ne rien dire du tout. Tu n'as jamais su mentir. Ophélie arracha la main de sa poche pour faire taire l'animaphone. Sa nervosité avait réenclenché le mécanisme. Non, dit-elle d'une voix tendue. Il faudrait que vous m'aidiez à rassurer mes parents quand ils seront là. Je ne vous demande pas de jouer au gendre exemplaire, mais êtes-vous seulement capable de sourire ? Ophélie ne sut pas si Thorne avait entendu sa question. La clochette de l'entrée venait de recouvrir sa voix. Elle n'en crut pas ses lunettes quand elle vit que le visiteur qui franchissait sa porte était Lazarus en personne, l'arche trotteur de réputation interfamiliale. Toc, toc. « C'est ouvert ?» demanda-t-il joyeusement en soulevant son immense haute forme. « Bonjour, très chères ladies !» En plus de son accent si particulier qui escamotait chaque R et déformait chaque voyelle, Lazarus était doté de longs cheveux argentés, d'un visage imberbe prolongé en calvitie, d'une grande redingote blanche et de deux yeux qui pétillaient de malice derrière leur besicle rose. Cette allure de vieux prestidigitateur cachait un infatigable voyageur et un génial entrepreneur. Il venait de la cité de Babel, qu'il prononçait Babel, une arche cosmopolite et avant-gardiste dont Ophélie avait entendu parler depuis l'enfance. Et c'était la première fois que Lazarus visitait le pôle, mais il faisait partie de ces rares touristes de passage que la cour accueillait à bras ouverts. « Je suis là pour affaire !» s'exclama-t-il, en posant un regard plein de curiosité sur les illusions grimaçantes de la vitrine. Ophélie prit son expression la plus professionnelle. Elle n'aurait pas pu imaginer meilleur début pour sa nouvelle carrière. Lazarus n'était au pôle que pour quelques semaines tout au plus, et chaque aristocrate se le disputait afin de l'avoir dans son salon. C'était pourtant la porte de son cabinet à elle, la pestiférée, qu'il avait choisi de franchir. En plus, Lazarus n'était pas venu seul. Walter, son majordome mécanique, tout droit sorti d'une manufacture babélienne, le suivait avec des mouvements raides et saccadés. « C'est vous qui disiez que je ne devais pas attendre le client ?» murmura Ophélie à l'intention de Thorne. Ce dernier ne répondit pas. Dès l'instant où la clochette avait retenti, il avait repris sa distance réglementaire et sa posture d'officier de police, comme si adresser la parole à sa fiancée en public était inconvenant. « Bonjour, Monsieur Lazarus !» l'accueillit Ophélie en venant à sa rencontre. Elle essayait de ne pas dévisager Walter de peur de paraître impolie. C'était la première fois qu'elle croisait ce majordome mécanique dont tout le monde parlait déjà à la citatielle. Il ressemblait au mannequin articulé dont on se sert pour apprendre le dessin. Sa tête métallique était dépourvue de visage et il possédait des rouages apparents à chaque jointure de ses membres. D'après ce que les gens disaient, mais surtout d'après ce que Renard disait de ce que ces gens disaient, Walter était capable de porter les valises, servir le thé et jouer aux échecs, ce qui constituait en soi une prouesse spectaculaire, même s'il ne gagnait aucune partie. « Vous êtes Miss Ophélie, la liseuse d'anima ?» demanda Lazarus alors qu'il l'examinait par-dessus ses besicles roses. « Oui, monsieur. »« C'est merveilleux » s'enjoua-t-il en confiant son haute forme et sa canne à Walter. « Je suis allée sur Anima deux fois, c'est tellement pittoresque. Vos petites maisons de briques ont du caractère, je veux dire, au sens propre, un vrai caractère. Pas toujours excellent, d'ailleurs. Une porte m'a coincé les doigts une fois parce que j'avais oublié d'essuyer mes souliers sur le paillasson. Ainsi, vous êtes venue du bout du monde pour vous établir ici. J'ai une grande estime pour les personnes qui s'ouvrent aux cultures des autres familles. » Alors que le vieux Lazarus secouait frénétiquement sa main dans la sienne, Ophélie s'abstint de lui dire que ce n'était pas par esprit d'ouverture qu'elle avait atterri au pôle. Il allait lui donner encore plus le mal du pays s'il continuait de lui parler d'Anima de cette façon. « Vous êtes comme cet incroyable architecte dont j'ai tant entendu parler à mon arrivée, » poursuivit-il passionnément en prononçant « incroyable ».« Cette citation, c'est un vrai chef-d'œuvre. Je m'émerveille à chaque étage. Miss Hildegarde, c'est ça. Une authentique Arcadienne. Vous rendez-vous compte? J'espère la rencontrer aussi, mais elle est insaisissable. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais visité Arcanter. Cette arche est indécelable. On l'a dit coincée dans un repli de l'espace. Pourtant, les Arcadiens ont créé des raccourcis partout dans le monde. Vous connaissez les roses des vents interfamiliales? S'enflamma-t-il comme s'il parlait des plus grandes merveilles jamais inventées par l'homme. Et il y en a une implantée sur chaque arche. Si, si, sur chaque arche, mademoiselle. Même chez vous, sœur Anima. Si les Arcadiens acceptaient d'ouvrir leur rose des vents au public, ils révolutionneraient les transports. Fini les dirigeables. Hélas, c'est une famille très, très secrète qui ne veut pas être dérangée. Les Arcadiens importent et exportent volontiers, mais attention à la moindre turbulence. Ils remballent leurs affaires et ferment les roses des vents. Avez-vous déjà goûté les mandarines d'Arcanter? Ce sont les meilleures. Que puis-je pour votre service? L'interrompit Ophélie le plus poliment possible. Lazarus avait déroulé son discours d'une traite, sans cesser de lui secouer la main, et elle commençait à avoir mal aux doigts. « Vous ? » s'étonna-t-il. « Rien de particulier. Je ne vous importune pas plus longtemps, en fait. Je cherchais Monsieur l'intendant. On m'a dit que je le trouverais, ici. » Horriblement déçue, Ophélie vit Lazarus libérer sa main pour partir à l'assaut de celle de Thorn. « Cher monsieur, je vous rencontre enfin. Vous êtes aussi insaisissable que Miss Hildegarde. J'espérais vous voir depuis le jour de mon arrivée, je... »« L'intendance n'achètera pas vos automates. » Thorn avait coupé Lazarus d'une voix morne, sans toucher au bras qui s'était élancé vers lui. Loin de s'offenser, le vieil explorateur parut au contraire plutôt amusé par ce refus. « Vous êtes fidèle au portrait qu'on dépeint de vous, monsieur l'intendant. Accordez-moi au moins une minute de votre précieux temps. Ne vous arrêtez pas aux considérations commerciales et essayez d'entreapercevoir ce que représente réellement Walter. » déclara Lazarus avec un geste théâtral pour le mannequin en livrée. « Il n'est pas un jouet de grande personne. Il est... « la fin de la domestication de l'homme par l'homme, ni plus, ni moins. » Walter se chargera des basses besognes et le fera avec les manières les plus civilisées du monde. « Walter !» appela Lazarus avec deux grandes articulations de bouche. « Salutations !» Dans un mouvement raide, le majordome mécanique s'inclina à la perpendiculaire et lâcha le chapeau et la canne de Lazarus comme s'il ne pouvait pas respecter plus d'une instruction à la fois. « Blast !» pesta Lazarus en sortant une énorme clé de sa redingote. « J'ai oublié de le remonter. »« L'intendance n'achètera pas vos automates. » se contenta de répéter Thorn. Ophélie tressaillit en entendant la clochette de l'entrée sonner une fois encore. C'était Renard, qui brandissait triomphalement un carnet de cuir dans l'entrebâillement de la porte. « Et de quatre, mademoiselle !» Bien qu'il ne fût plus tout à fait valet, il avait adopté la livrée jaune miel de la domesticité de cour afin de mieux se fondre dans le décor. Entre ses galons d'or et sa crinière rousse, il était aussi flamboyant que Thorn était obscur. Ophélie se sentit prendre des couleurs rien qu'à le regarder. Grâce à lui, les trois longues semaines qu'elle venait de vivre au banc de la société avaient été tout juste respirables. « Je vous ai dégoté quatre nouveaux clients potentiels, mademoiselle. Leurs employés sont des aminches. Autant vous dire que c'est un bon filon, » chuchota-t-il en faisant défiler les pages du carnet sous son pouce. « Ce sont des marchands d'art, des prêteurs sur gage et des banquiers. Avec ces illusions qui traînent partout, ils ne distinguent plus l'authentique de la contrefaçon. Vos petites mains leur diront tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Vous serez la reine de la démystification. » En d'autres termes, « l'ennemi public numéro un !» commenta Thorn d'une voix funèbre. Renard avait beau être bâti comme une armoire, il dut se cambrer en arrière pour répondre à son regard. Ce fut comme si un vent d'hiver venait de souffler sur sa belle assurance et le renvoyer à son ancienne condition. « Que monsieur veuille me pardonner » bégaya-t-il en baissant aussitôt les yeux. « Je n'avais évidemment pas l'intention de mettre mademoiselle sa fiancée en difficulté. J'essayais... » « Ne l'écoutez pas, Reynold !» s'empressa d'intervenir Ophélie. Je trouve l'idée excellente. Et puis, ajouta-t-elle avec un geste éloquent pour la vitrine barbouillée d'illusions, ce n'est pas comme si j'étais en odeur de sainteté. Pardonnez-moi, monsieur le serviteur, s'immissa le vieux Lazarus avec un sourire aimable. Quelle est votre opinion personnelle sur la domestication de l'homme par l'homme? Regardant d'un air hésitant le majordome mécanique que lui présentait Lazarus, Renard fut tiré d'affaire par la clochette de l'entrée qui résonna plusieurs fois. Le baron Melchior était en train de se démener le plus élégamment possible pour faire passer son formidable embonpoint dans le cadre de la porte. Entièrement vêtu d'habits arc-en-ciel, il ressemblait à une montgolfière sur jambes. Ses longues moustaches gominées se soulevèrent dans un sourire dès qu'il aperçut Thorne. « Monsieur l'intendant, je me demandais où vous étiez. »« Ici, » répondit Thorne comme une évidence. « Mesdames, » salua le baron Melchior avec un coup de chapeau pour Bérénilde, la tante Roseline, puis Ophélie, au fur et à mesure qu'il traversait le chantier du cabinet, en faisant attention de ne pas salir ses beaux souliers blancs. « Tiens, monsieur Lazarus, vous êtes là aussi. Ravi de vous revoir. Oh là là, monsieur l'intendant, nous n'avons pas le Nibelungen. »« Servez-vous, » suggéra Thorne en désignant du menton les couches de gazette qui protégeaient le parquet des travaux. « Je vous parle du numéro d'aujourd'hui. Il n'est pas paru. Mon cousin Tchekhov dirige le Nibelungen depuis plus de 30 ans, et jamais encore cela ne s'est produit. » « Que voulez-vous que j'y fasse ?»« Rien !» convint le baron Melchior de bonne foi. « L'inconvénient, c'est que mon autre cousin ici présent avait transmis une petite annonce pour la Gazette du jour, spécialement à votre attention. Comme le Nibelungen n'est pas paru, il est venu vous la dicter, de vive voix. » Le baron Melchior était si corpulent qu'Ophélie n'avait pas remarqué qu'il était talonné par un autre mirage. Ce dernier ne passait pourtant pas inaperçu avec ses bijoux qui le faisaient étinceler de la tête aux pieds. Il portait le tatouage de sa caste sur les paupières, des bagues à tous les doigts et des perles dans chaque tresse de sa barbe blonde. Même sa belle canne d'argent était incrustée de pierres précieuses, ou plus probablement d'illusions de pierres précieuses. Son visage, encadré par deux pendants d'oreilles en or, était imprégné d'une solennité offensée. Comme presque tous les nobles, il arborait un beau sablier bleu dans sa poche de montre. Ophélie reconnut en lui le tout premier mirage qu'elle avait croisé la nuit où elle s'était échappée du manoir de Bérénilde pour explorer la cité ciel. Elle l'avait alors pris pour un roi. « J'exige réparation !»« Du calme, cousin Harold !» le tempéra le baron Melchior. « Nous sommes entre personnes civilisées. » Nous allons arranger tout ceci à l'amiable. » Ophélie remonta ses lunettes sur son nez. C'était donc lui, le comte Harold, le tuteur du chevalier. Il ne semblait pas disposé à écouter les conseils de son cousin, car il enchaîna d'une voix plus forte encore en martelant le sol de sa canne et en faisant rouler ses airs comme des tremblements de terre. « Je refuse qu'un bâtard porte plainte contre un homme de mon rang et de mon importance. » Ce n'est pas moi, mais l'intendance qui porte plainte, rectifia Thorne avec un calme souverain. Pour élevage non déclaré de nombreuses bêtes domestiques et expérimentation animale sans autorisation, récita-t-il de mémoire. Vos chiens ont été soumis à des manipulations hypnotiques répétées. De telles pratiques sont rigoureusement interdites par la loi. « Rendez-moi mes chiens et rendez-moi mon neveu !»« Je n'ai pas procédé personnellement à son arrestation, » répondit posément Thorne. « Vous pourrez lui rendre visite à l'hôtel de police. » Ophélie écarquilla les yeux. Le chevalier avait été arrêté. La tante Roseline laissa échapper un « Mon Dieu, n'épargne la nourrice !» et Bérénilde elle-même dut s'asseoir sur une chaise pleine de plâtre en étouffant une exclamation de surprise. « Vous avez mal enseigné à votre pupille comment employer son pouvoir !» enchaîna Thorne avant que le comte Harold ne fît à nouveau trembler les murs du cabinet de lecture. Il s'est rendu responsable de blessures graves pouvant entraîner la mort. L'intendance a décidé d'introduire un dossier de mutilation, conclut-il avec une impersonnalité professionnelle. Vous récupérerez votre neveu dès que cette demande aura été traitée. Rendez-moi mes chiens et rendez-moi mon neveu bâtard, exigea le comte Harold qui n'avait visiblement rien écouté. Si vous ne me les rendez pas, dit-il en pointant Ophélie de sa canne, c'est moi qui vous prendrai. « Cette petite gueuse d'étrangère !»« Comte Harold !» s'indigna le baron Melchior sans cesser de sourire. « En tant que ministre des élégances, je ne tolérerai pas ce langage auprès d'un haut fonctionnaire et d'une invitée diplomatique. Et en tant que cousin, je vous supplie de ne pas mettre notre famille dans l'embarras. Votre neveu s'en charge déjà bien assez. » Le comte crispa un instant ses doigts bagués autour de son sablier bleu, comme s'il luttait contre la tentation de le dégoupiller, ici et maintenant. De fait, une veine enflait à sa tempe et Ophélie se demandait si elle n'allait pas finir par exploser. Elle n'aurait pas été fâchée de le voir dégoupiller son sablier, disparaître quelques instants, puis réapparaître dans un état de douce euphorie. « Qu'est-ce que vous cherchez donc à faire, bâtard ? » s'entêta-t-il. « Provoquer un mirage ?»« J'ai recueilli des confidences des plus intéressantes, » répondit Thorne sans se départir de son flegme. « Deux mercenaires m'ont affirmé avoir été engagés par vos soins pour me dissuader de défendre la cause des déchus aux prochains états familiaux. Estimez-vous chanceux que je n'ai pas pu obtenir d'eux des aveux signés ?» « Vous n'êtes rien !» dit le comte Harold en caressant les perles de sa barbe avec ses doigts bagués dans un geste plein de mépris. « Votre père était un barbare et votre mère une conspiratrice. Où sont-ils aujourd'hui ? Les mirages, c'est l'État !» Lazarus, qui avait cessé de remonter Walter depuis un moment, observait la scène en prenant des notes avec une curiosité quasi scientifique. Ophélie aurait cru voir un zoologue en train d'étudier le comportement d'une espèce animale peu commune. Le baron Melchior, de plus en plus embarrassé, décida de prendre les choses en main. Il fouilla lui-même les poches du comte, sortit un magnifique cornet acoustique en argent et le lui introduisit dans l'oreille. « Nous vous avons entendu !» articula-t-il dans le pavillon. « Laissez-moi maintenant m'occuper des détails avec monsieur l'intendant. » Le comte Harold pinça ses lèvres d'un air outragé, mais il se tint enfin tranquille, reposant les tympans de tout un chacun. Un ouvrier profita de l'accalmie pour se glisser derrière lui avec un seau de colle et des rouleaux de papier peint. Continuer les travaux dans ces conditions relevait d'un admirable professionnalisme. « Vous veuillez excuser les propos de mon cousin, monsieur l'entendant !» poursuivit le baron Melchior, les mains accrochées au revers de son gros veston arc-en-ciel. Il a été très choqué par l'arrestation de son neveu et la saisie de ses huskies. Les mirages ne vous feront pas obstacle, assura-t-il en baissant le ton pour que le comte Harold ne l'entendît pas malgré son cornet acoustique. Les bêtes sont plus imprévisibles que les animaux ordinaires, et leur intelligence se prête mal à nos illusions. Nous condamnons formellement ces expérimentations clandestines. Coincé entre la haute silhouette de Thorne et l'énorme ventre de Melchior, Ophélie se garda bien d'intervenir. Elle voyait bien les efforts que faisait le baron pour ne pas trop se compromettre. Malgré ses sourires et cette façon qu'il avait de lisser son interminable moustache entre le pouce et l'index, il semblait encore plus nerveux que lors de leur dernière rencontre. Ses yeux ne cessaient de rouler dans leurs orbites, comme s'il craignait d'être poignardé par son ombre. Ophélie trouvait cette inquiétude un peu excessive, mais elle n'oubliait pas, elle n'oublierait jamais, que le baron Melchior était celui qui avait rendu possible l'arrestation du chevalier. Il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi soulagée. Elle s'étonna de ne pas retrouver la même émotion dans les yeux de Bérénilde, toujours assise sur sa chaise, qui fixait les motifs du papier peint fraîchement posé. Elle caressait son ventre d'un air songeur. « Alors, au sujet de votre plainte, gronda le comte Harold en revenant à la charge, son cornet acoustique brandi à l'envers. « Que décidez-vous, bâtard ?»« Et au sujet de mes automates ?» relança Lazarus en agitant la clé de Walter. « Et au sujet de notre famille ?» s'exaspéra la tante Roseline. Ophélie était abasourdie. Elle avait l'impression que le monde entier s'était donné rendez-vous dans son cabinet de lecture pour parler de tout, sauf de lecture. Comme si l'ambiance n'était pas assez confuse, le téléphone se mit à sonner comme un grelot. C'était la première fois qu'Ophélie l'entendait. Elle le chercha un moment sous les feuilles de gazette qui protégeaient le mobilier de la peinture et finit par le trouver, flambant neuf, sur la dernière marche d'un escabeau. « Oui ?» demanda-t-elle dans l'entonnoir du téléphone. À cause du brouhaha ambiant, Ophélie n'entendit pas le nom que la standardiste lui annonça. Elle se boucha l'oreille et la voix d'Archibald résonna enfin avec une sonorité de cuivre. « Vous avez l'air si désemparée, petite demoiselle, que je ne résiste pas à l'envie d'apporter mon grain de sel. Et puis ainsi, j'étreigne votre nouvelle ligne téléphonique. » Ophélie eut un coup d'œil réprobateur pour la Valkyrie qui escortait Bérénilde, comme si Archibald se cachait derrière son énorme robe noire. De le savoir toujours à l'affût de l'autre côté de ce regard, ça la mettait mal à l'aise. En plus de l'attention d'Archibald, Ophélie s'aperçut qu'elle venait aussi de s'attirer celle de Thorne, malgré les sollicitations bruyantes et répétées dont il était l'objet. En le voyant contracter chaque trait de sa sinistre figure, elle lui tourna le dos et se prit d'un intérêt intense pour le bec de gaz qu'un ouvrier était en train de visser au mur. « L'instant est très mal choisi. Veuillez rappeler plus tard. »« Il va falloir que vous parliez beaucoup plus fort pour que je vous entende !» ricana Archibald dans le cornet. « Ou plutôt non. Gardez le silence et écoutez-moi. Vous vous rappelez ce petit service que vous m'avez rendu l'autre jour ?» Oui, pourquoi? Vous avez eu des nouvelles de Monsieur le Prévôt? Non, répondit la voix hilare d'Archibald. Ça a recommencé. Qu'est-ce qui a recommencé? Bredouilla Ophélie en collant sa bouche contre le combiné en cuivre. Qu'avez-vous fait? Le problème n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que je n'ai pas réussi à empêcher. J'allais vous demander de me passer Thorne, mais c'est inutile. Ajouta Archibald sur un ton anecdotique. « Il fonce droit sur vous !» Ophélie n'eut pas le temps de se retourner que le combiné lui fut arraché des mains. « Qui est à l'appareil ?» demanda Thorne d'une voix autoritaire. Il était si haut perché sur ses jambes qu'Ophélie dut grimper les marches de l'escabeau pour se hisser à la même altitude que lui. À la crispation musculaire qui se propagea dans ses mâchoires, elle comprit que toute sa concentration était désormais consacrée à son interlocuteur téléphonique. Il ne paraissait même plus entendre Lazarus, le comte Harold et la tante Roseline qui continuaient de lui parler d'automates, de chiens et de familles comme un disque d'opérette rayé. Ophélie décrocha le deuxième écouteur du téléphone pour entendre ce qu'Archibald était en train de raconter à Thorne. « Toute la différence entre vous et moi, vous êtes aussi prévisible qu'une horloge astronomique. Vous voulez tout contrôler. J'avais fait le pari que vous ne résisteriez pas à la tentation de prendre ce téléphone. » « Ça suffit !» siffla Thorne. « Je vous donne 10 secondes pour me convaincre de ne pas vous raccrocher au nez. » « À propos de Monsieur Tchekov, l'insupportable directeur du Nibelungen, que ses cousins ne le cherchent plus, il a vraisemblablement été enlevé. Je vous ai convaincu de ne pas raccrocher ?» ironisa la voix d'Archibald. Juché sur l'escabeau, Ophélie eut une vue imprenable sur les yeux de Thorne d'ordinaire si étroits qui s'écarquillaient avec lenteur. « Quand ? Où ? Par qui ? Et pourquoi ? » articula-t-il méthodiquement. « La nuit dernière, au clair de lune. Je ne sais pas et je ne sais pas, » répondit Archibald avec autant de légèreté que s'il s'agissait d'un jeu de devinettes. Ophélie prenait lentement la mesure de cette nouvelle. Après le prévôt des maréchaux, c'était le deuxième mirage qui disparaissait dans l'enceinte du bastion, le mieux gardé de toute la citatielle. Si l'ambassade ne pouvait plus offrir un asile diplomatique à ses hôtes, les intrigues de cour ne connaîtraient plus de bornes. « Pourquoi ?» se demanda Ophélie en fermant les paupières. « Pourquoi cela arrive-t-il maintenant que les dragons sont morts et que le chevalier a été arrêté ? pourquoi de nouvelles haines doivent-elles forcément prendre la relève des anciennes ? Que faisait Monsieur Tchekhov au clair de lune ? Demanda Thorne, plus pragmatique. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il s'agit d'un enlèvement ? Dès l'instant où il prononça ces mots, un silence brutal tomba sur le cabinet de lecture et les ouvriers suspendirent leurs travaux. Seul le comte Harold, malgré les signes que lui adressait le baron Melchior pour le faire taire, continuait de vociférer en exigeant de Thorne qu'il lui présentât des excuses. « Monsieur Tchekhov recevait des lettres mal intentionnées, » déclara la voix insouciante d'Archibald au téléphone. « Quand on lit son torchon, on comprend pourquoi. Il m'a dit craindre pour sa vie et m'a demandé asile. Je le soupçonne d'avoir saisi cette excuse pour venir fouiner chez moi. » Il a déménagé ici l'atelier de son journal avec presse, rotatif, bobine de papier et compagnie. Abrégé, ordonna Thorne. Le fait est que, la nuit dernière, j'ai organisé un bal travesti d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vous avais invité et vous n'êtes pas venu. Abrégé, répéta Thorne entre ses dents. Au beau milieu du bal, M. Tchekhov s'est rendu aux toilettes et il n'en est jamais revenu. Mes gendarmes ont fouillé le domaine de fond en comble, il reste introuvable. S'il vous faut un signalement, la dernière fois qu'il a été vu, il portait une perruque blanche et une robe de femme à volant bleu. À la façon dont le vaste front de Thorne se plissa, Ophélie sut qu'il était en train de réfléchir à pleine vapeur et que les perspectives qu'il entrevoyait déjà ne l'enchantaient guère. Un peu malgré elle, elle éprouva une certaine admiration pour cette capacité qu'il avait à gérer chaque crise sans jamais se départir de son sang-froid. « Y a-t-il eu... un incident notable avant sa disparition, une querelle, une menace. Nous parlons de Monsieur Tchekhov, ricana Archibald. Il fait son pain des querelles et des menaces. Je m'apprêtais d'ailleurs à l'expulser. Il n'a pas cessé d'insulter Madame Hildegarde. Et je ne permets à personne d'insulter mon architecte personnel sous mon toit. Vous m'avez parlé de lettres, rappela Thorne. Ah oui! Nous les avons trouvés dans ses effets personnels. Patience. Je patiente, dit Thorne qui s'impatientait à vue d'œil. Non, je ne parle pas à vous, je parle à ma sœur. Patience. Passe-moi l'une de ces lettres. Peu importe laquelle, merci. Il y eut dans l'écouteur d'Ophélie un bruit de papier. Monsieur Tchekhov, lut Archibald, vous n'avez pas tenu compte de mes précédents avertissements. Si vous vous obstinez à produire votre déplorable journal, je prendrai moi-même les mesures qui s'imposent. Tapis à la machine, pas de signature, mais il y a une drôle de phrase en majuscule, juste en dessous. Dieu exige votre silence. Thorne était si interloqué que pour une fois, il ne sut pas immédiatement quoi répondre. Il ne se rendit pas compte qu'Ophélie, elle, avait failli tomber de l'escabeau. La lettre. Tchekhov avait reçu la même lettre qu'elle, et il avait disparu. L'intendance va devoir ouvrir une enquête et entendre tous les témoignages, décréta Thorne. Je serai sur place dans une heure. Jusque-là, interdiction formelle de quitter l'ambassade. À peine Thorne eut-il raccroché le téléphone que la clochette de l'entrée carillonnait déjà. Ophélie se promit de la faire retirer pour ne plus jamais avoir à l'entendre. Les visites sont terminées, annonça Thorne d'un ton catégorique. Ma présence est réclamée ailleurs. Je ne suis pas ici pour vous, monsieur l'intendant, mais pour mademoiselle la liseuse, répondit une petite voix polie. Un client souhaite la voir. Cette fois, Ophélie dégringola de l'escabeau. C'était le jeune aide-mémoire de Farouk qui se tenait sur le seuil de son cabinet. Notre Seigneur vous attend dehors, dit-il avec un sourire angélique en lui tenant la porte. Il souhaite vous parler.